Merci d'écouter les petites histoires. Pour profiter pleinement du podcast, vous pouvez vous abonner. Vous n'aurez plus de publicité et accès à des histoires exclusives. L'abonnement est super simple, sécurisé et sans aucun engagement de durée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur telming.com ou cliquez sur le lien dans la description de l'épisode. Les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires de Telming. Coucou les enfants. Aujourd'hui, Karine et Arnaud vont vous raconter Amélia et Toto, une histoire écrite par Cécile. Bonne écoute. Amélia est en train de jouer dans le jardin avec Toto, une petite serpillière sur pattes pleine d'énergie. Ils sont presque inséparables et c'est un vrai problème. Amélia, Monsieur Cazin est là. Il voudrait récupérer son chien. Amélia et Toto se figent, l'air penaud. Ils rentrent dans la maison. Monsieur Cazin, ce vieux buffle aux sourcils broussailleux, est planté dans l'encadrement de la porte. Il tape du pied sur le sol si fort qu'on a l'impression qu'il ne va pas tarder à charger. « Combien de fois t'ai-je demandé d'arrêter d'attirer mon chien dans ton jardin, jeune fille ? Eh bien, moi, je vais te le dire, 30 fois plus une avec la tentative d'aujourd'hui. »« Mais j'y suis pour rien, moi. C'est lui qui saute par-dessus votre clôture. Et puis, on fait rien de mal, on joue. »« C'est mon chien. Il n'a rien à faire chez toi. Au pied, Toto. » Le petit chien ne se fait pas prier et se place aux côtés de son maître. « Bon chien, chien, et que je ne t'y reprenne plus, jeune fille. Sinon, j'irai porter plainte au commissariat. » Comme si la police pouvait faire quelque chose. Amélia ne fait rien de mal. Elle joue juste avec un chien qui vient tous les jours dans son jardin. En plus, il s'adore. Elle devrait le chasser au lieu de s'amuser avec lui. Mais c'est ridicule. D'autant plus que le lendemain, rebelote, Toto se retrouve à nouveau dans le jardin d'Amélia, qui sort affolé. « Toto ! Oh non ! Tu dois rentrer chez toi ! Oust !» Mais le cabot ne comprend pas. Il lui saute dessus, la fait tomber à la renverse et la couvre de l'échouille. Malheureusement, ils n'ont pas le temps de s'amuser vraiment. « Amélia, tu sais ce qu'il faut faire. » Une fois encore, elle retourne dans la maison, accompagnée de Toto qui s'empresse de faire la fête à son vieux maître qui reste de marbre. « Tu ne manques pas de toupet ! » C'est pas de ma faute, hein, s'il me préfère à vous. Mon Toto, te préférer. Alors celle-là, elle est bien bonne. 10 ans qu'on vit ensemble et que je suis au petit soin pour lui. Peut-être, mais je suis sûre que demain il reviendra. C'est ce qu'on va voir. Le lendemain, des bruits de marteaux, de scie et de perceuse envahissent le quartier. Amélia sort voir ce qui se trame et découvre son voisin en plein chantier. Sa clôture est 2 fois plus haute qu'avant. Papa ! Papa ! T'as vu ce qu'a fait le voisin ? Ben, il fallait s'y attendre. Mais on peut pas le laisser faire ! Si. En même temps, il n'en peut plus de voir son chien chez nous. On peut pas lui en vouloir. Bien sûr que si. Ce n'est qu'un vieil égoïste qui ne veut pas qu'Amélia s'amuse avec son chien. Et avec cette clôture, il a gagné. Plus jamais ils ne joueront ensemble. Les coups de marteau finissent par s'arrêter. Amélia sort dans le jardin. Dépitée, elle regarde l'infranchissable clôture. Et d'un coup, elle voit une tête dépasser. C'est Toto qui essaie de passer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et à la 4e, il saute par-dessus comme un champion de saut en hauteur. Il entame des tours de victoire autour d'Amélia qui éclate de joie. Monsieur Cazin débarque 2 secondes plus tard, complètement furax. Toto retourne chez son maître qui met les bouchées doubles pour agrandir la clôture. Sauf que le lendemain, le chien n'en fait qu'une bouchée. Monsieur Cazin enrage et redouble d'efforts pour empêcher son chien de quitter son jardin. Si bien qu'un jour, ce n'est plus une clôture, mais un mur de bois immense surmonté de barbelés qui sépare les 2 jardins. Impossible de le franchir à moins de creuser un tunnel. Et c'est ce que fait Toto. Amélia ne boude pas son plaisir et profite du peu de temps qu'ils pourront passer ensemble. Car elle le sait, Monsieur Cazin ne va pas tarder. Et ça ne rate pas. Après quelques minutes de jeu, des éclats de voix retentissent dans la maison. Amélia et Toto rentrent. « Tu l'auras voulu, jeune fille. Je vais attacher Toto à une corde comme ça. Il ne viendra plus chez toi. » Toto baisse les oreilles et gémit. « Vous n'avez pas le droit !»« Au contraire, c'est mon chien. Je fais bien ce que je veux. »« Non, Toto, tu ne m'auras pas avec cette bouille. Tu vas finir au piquet. » Le vieux monsieur attrape son chien par le collier et le traîne jusqu'à chez lui. Amélia monte à l'étage et regarde son voisin planter un piquet près de la niche de Toto et l'y attacher. Le pauvre chien s'allonge par terre, l'air triste. Cette nuit-là, Amélia n'arrive pas à dormir. Les gémissements de Toto lui fendent le cœur. Elle doit agir, et vite. Elle prend sa lampe de poche et sort discrètement dans son jardin jusqu'au trou creusé par Toto. Elle s'y faufile, puis rampe jusqu'à la niche de Toto, trop contente de la voir. Elle détache le prisonnier, retourne dans son jardin, passe le petit portail du fond et file à travers la forêt jusqu'à son repère super secret. Là où elle se réfugie quand elle souhaite que personne ne l'embête. Elle ouvre la porte et fait rentrer Toto qui la regarde avec de grands yeux tristes. « Tu vas passer la nuit ici, loin de ta prison. Demain, on trouvera une solution. » Le lendemain, Amélia assiste à un drôle de manège. Une horde de petits vieux menés par Monsieur Cazin arpente le lotissement à la recherche de Toto. Il y en a même qui se dirigent vers la forêt. Impossible qu'il puisse trouver son repère. Il est trop bien caché par les buissons et les arbres. Mais pour se rassurer, elle file rejoindre Toto à la cabane. À peine l'a-t-elle ouverte que Toto s'en rend trombe. Surexcité, il veut jouer, bondit, aboie et fait des tours sur lui-même. Amélia est affolée. S'il continue, les petits vieux seront alertés. Elle le saisit par le collier et l'amène dans la cabane. « C'est pas le moment de jouer. Faut pas faire de bruit. T'es recherché. Ah oui, je sais, c'est pas marrant. Mais t'as pas envie de retourner en prison. » À quelques mètres d'eux, des voix de vieilles personnes résonnent. Pourvu qu'elle n'ait rien entendu. De longues minutes passent, silencieuses. Je crois qu'ils sont partis. Ils sortent de leur cachette. Amélia prend dans son sac la balle préférée de Toto et ils commencent à jouer. Par hasard, Amélia regarde sa montre. Oh, ça fait presque une heure qu'elle est partie, sans prévenir. Elle doit rentrer pour ne pas éveiller les soupçons. Elle enferme à nouveau Toto et file chez elle. Juste à temps. À peine a-t-elle franchi le portail que son père vient la chercher dans le jardin. « Amélia, Monsieur Cazin est là et il n'a pas l'air dans son assiette. » Dans l'encadrement de la porte, Monsieur Cazin n'a plus l'air d'un vieux buffle enragé, mais d'un petit vieux perdu. « Bonjour, Amélia. La corde de Toto s'est détachée. Il est parti. Je me suis dit qu'il était peut-être revenu chez toi. » « Ah bah non, pas cette fois. » « Tu sais, ce chien, c'est toute ma vie. Je m'en veux tellement de l'avoir attaché. D'y voir, tu ne voudrais pas nous aider à le trouver ? Il a l'air de t'apprécier, alors peut-être que si tu le cherches, il pointera sa truffe. » D'accord. Je vais aller faire un tour dans le quartier. » Amélia retourne dans son repère. Quand elle ouvre la porte, Toto ne bronche pas. Il reste couché, les oreilles baissées, l'air triste. « Toi aussi, t'as pas de force, comme ton maître. Oh, j'ai l'air bête. Tu veux qu'on aille le retrouver ?» Toto se redresse, la langue pendue, et file à toute vitesse à travers la forêt. Paniquée, Amélia essaie de le rattraper. Elle le talonne, mais une grosse racine la fait trébucher, rouler boulet et tomber dans un trou très profond. Sonnée, elle essaye de se relever, mais sent un énorme pincement dans la cheville. « À l'aide ! Je suis coincée ! Au secours, Toto ! Quelqu'un, venez m'aider !» Personne ne répond. Le silence devient de plus en plus pesant. Amélia fond en larmes, puis elle entend des aboiements et des bruits de pas. Une silhouette imposante apparaît. C'est Monsieur Cazin. « Donne-moi ta main, je vais t'aider. » Une fois Amélia remontée, Monsieur Cazin devient complètement gâteux. « Qui c'est qui a sauvé sa copine de jeu ? C'est Toto. Bon chien, tu es un héros. Je vais t'offrir le plus gros os du monde. Tu es tombé en le cherchant, je parie. »« Oui, c'est ça. Je crois que je me suis cassé la cheville. Je peux pas marcher. »« Allez, appuie-toi sur moi. Je vais t'aider à rentrer. » « Merci, monsieur. » « Bon, et puis, tu sais, j'ai repensé à toutes nos histoires. »« Ah bon ?»« Oui. Toto a trop d'énergie pour une vieille carcasse comme moi. Ça te dirait de le promener et de l'aider à se dépenser? Je suis prêt à te donner une pièce pour ça. Qu'en dis-tu? Ah, que c'est carrément génial! Voilà les enfants, j'espère que l'histoire vous a plu. N'oubliez pas de nous mettre plein d'étoiles sur votre application de podcast et de nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux ou par mail. Ça nous donne plein de force pour la suite. N'hésitez pas non plus à parler des petites histoires à vos copines, à vos copains et pourquoi pas à votre maîtresse ou à votre maître pour occuper les temps calmes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.